9 de Hiro. Hey. Zazasta. Malekal Moro. C'est pour les roses, pour les ro. Yahya Rob. Ya. Abdo Baraj. Hey. Tu es ma Rocher, O-M-A-L-I, Sénégal Negri, 9 de I, ça pose Legi Legi, A-L-I, B2O, B-A, Brazamizi, Chara, Mala, le malade de la malécale, mort pour un freestyle inédit, nos rimes portent en port, même les Milady, tu vois qu'il y a plus de Milady style, ennemi, bro, tous tes amis et taille, quand je rentre dans l'arène, je dois honorer tous ceux qui me parrainent, mes frères de sort, mes frères d'oro et ma reine, et pour les Batman, des hautes scènes, on fera les hautes scènes. Zézé Ola pour que les autres saignent. J'suis zen, une fois ma scène c'est dans le sort. Je vous aime. Défonce, chérie, j'suis pas du bon côté mais dans le sort. Que vous autres vous aimez causer. Lunatic 92i, j'baisse tout à chaque strophe. Malekal mort, Tcha Abram, c'est Malachnikov. Pute frime, MC, musique et crime. Rambo contre Gandhi, quand Marc Dutroux rencontre Gandhi. Violent comme naître, à notre époque, au micro-bandit. Mon gang partait en couille depuis le Big Bang. La prod au million de dollars, 92i, passible de l'article 122A. Groupe illégal comme les armes et la cocaïne. Négro c'est le drame comme Ibrahim ou Lumpini. J'pèse trace en RM, compte blindé à la BN. P, je les baise à l'arrière de ma BM. J'grave des pages de rage en souterrain. C'est des héros méro, on ferme les j'beb dans la soute des roules. De la hi, c'est qu'on me surveille de la haut. J'veux tout d'un coup, trouve-moi un bon cousin coup. Parano, on a tous un 3, 5, 7 sous le coussin. Et ils sentent que c'est puissant depuis qu'ils sentent. C'est pour les roues, Malekal mort. C'est pour les roues, Lunatic. C'est pour les roues, Yahya roues. C'est pour les roues, 9 de I. C'est pour les roues, Malekal mort. C'est pour les roues, Lunatic. C'est pour les roues, Yahya roues. C'est pour les roues, 9 de I. Sois ou meurs. B2OB, 2ALI, Saka Brahms, Mali, Lunatic, Malekal, 9-2I, Maroc, Sénégal, Casamance, Rebelle Mala, avec la guidée d'Allah, Brolic dans les vies d'ordure, chronique de ouf, mène une vie d'ordure, rêve d'or pur, rien que j'dors plus, sur ces terres de colons impurs, pourquoi on fait du bise même si on tape, quoi mais qu'est-ce tu veux que j'fasse en France avec ces femmes, 92 Intifada. Moi ce que je vois c'est un monde de barges où les trois quarts se font habgar. Ils ont leurs paradis fiscaux. Nous à défaut on impose nos lieux de non-droit. Maintenant ils regrettent ces voitures qui brûlent. Qu'on ne change pas un homme en cellule. Ou quand la nuit notre victime hurle. On réfléchit trop, se démène dans notre vie, remême à notre vie. Si c'est ça qu'ils veulent on va s'armer et s'entourer. Gros, faut pas croire qu'on va se compliquer. On fera tout ce qu'il y a à faire et devant Dieu faudra s'expliquer. Le commencement à deux pas d'Addis Abeba. Dar es Salaam, 92 points de chute, Isaac Amal Abrams, Booba, A-L-I. Pour nos têtes, Rabat Nouakchott, Dakar, Conakry, Bamako, M-A-L-I. L'homme africain au départ, Caraïbes, connexion, frère, seul un océan nous sépare. On dit que l'espoir fait vivre, le nôtre fait vibrer les pieds posés sur le vieux continent. À nous-mêmes livrés, libres, tout en étant surveillés, tels sont nos destins. Paix aux frères qui le respect perpétue, paix aux sœurs qui préservent leur vertu. Paix aux mères, les premières à nous avoir souri, paix aux pères pour nous avoir vêtus. C'est pour les héros, d'Algérie au Zimbabwe. C'est pour les héros, Malekal mort. C'est pour les héros, Lunatic. C'est pour les héros, Yahya héros. C'est pour les héros, 9 de I. C'est pour les héros, Malekal mort. C'est pour les héros, Lunatic. C'est pour les héros, Yahya héros. C'est pour les héros, 9 de I. Faut saigner le sang. Blessé, les faux, faire simple, net et précis. Qui disent putain, on est en chien ce coup-ci. Lunatic. Malekal mort, cousin, c'est Boulogne ici. C'est Malabouba, A-L-I, Bram, c'est Is, A-K-A, Mali. 92 I. Sans morale, c'est pas notre rôle, tous haï. Depuis le berceau, comment dire aux frères, bien c'est par l'A-I. Qui manque de neurones, là-dessus on reste unanime comme un seul homme. Si t'es dans le din, peu et salam. C'est pour les héros, pas pour les hommes, but. Flamber, c'est pas le but, c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes potes. Les mêmes pits et les mêmes rottes. Les susbites et les boys scouts, lèche tout ça, je les boycotte, y'a pas de doute. Et en plus, je m'en bats les couilles grave. Des gourdigaines dans ce business et leur tchapa qui mouille grave. Malekal mort, rime rafale et langage cru. Jamais à chrome, c'est pour les héros. C'est pour les héros, Malekal mort. C'est pour les héros, Lunatic. C'est pour les héros, Yahya héros. C'est pour les héros,